Le félin géant de Joseph Henry Brooks, qui Rosny est né. 1918. Première partie. Aoun, fils de Lurus, aimait la contrée souterraine. Il y pêchait des poissons aveugles ou des écrevisses livides en compagnie de Zour, fils de la terre, le dernier des hommes sans épaules, échappé au massacre de sa race par les nains rouges. Aoun et Zour, pendant des journées entières, longeaient le fleuve des cavernes. Souvent la rive n'était plus qu'une corniche étroite. Parfois, il fallait ramper dans les couloirs de porphyre, de gneiss ou de basalte. Zour allumait des torches de térébinthe, la lumière pourpre rebondissait sur le quartz des voûtes et sur les flots intarissables. Alors, il se penchait pour voir nager des bêtes blêmes, s'opiniâtrait à chercher des issues ou continuait la route jusqu'à la muraille d'où jaillissait le fleuve. Il s'y arrêtait longtemps. Ils auraient voulu franchir cette barrière mystérieuse à laquelle les Oulâmes se heurtaient depuis 6 printemps et 5 étés. Aoun, qui descendait de Nao, fils du léopard, appartenait selon la coutume aux frères de sa mère. Mais il préférait Nao, dont il avait la structure, la poitrine infatigable et les instincts. Ses cheveux tombaient en masse rude, comme la crinière des étalons. Ses yeux étaient couleur d'argile. Sa force le rendait redoutable, mais plus encore que Nao, il faisait grâce aux vaincus quand il s'aplatissait contre la terre. C'est pourquoi les Oulâmes mêlaient du mépris à l'admiration que suscitait son courage. Il chassait seul avec Zour, que sa faiblesse rendait négligeable, encore qu'il fût habile à découvrir les pierres pour faire le feu et à préparer une substance inflammable avec la moelle des arbres. Zour avait la forme étroite d'un lézard. Ses épaules retombaient si fort que les bras semblaient jaillir directement du torse. C'est ainsi que furent les oies, les hommes sans épaules, depuis les origines jusqu'à leur anéantissement par les nains rouges. Il avait une intelligence lente, mais plus subtile que celle des Oulâmes. Elle devait périr avec lui et ne renaître dans d'autres hommes qu'après des millénaires. Plus encore qu'Aoun, il aimait la contrée souterraine. Ses pères et les pères de ses pères vivaient dans des pays pleins d'eau, dont une partie s'enfonçait sous les collines ou se perdait dans la montagne. Un matin des temps, ils se trouvèrent au bord du fleuve. Ils avaient vu monter le brasier écarlate du soleil, et maintenant la lumière était jaune. Zour savait qu'il prenait plaisir à voir couler les flots, mais Aoun goûtait ce plaisir sans le savoir. Ils se dirigèrent vers le pays des cavernes. La montagne était devant eux, haute et inaccessible. Sa cime formait une longue muraille. Au nord et au sud, où elle se prolongeait indéfiniment, elle élevait des masses infranchissables. Aoun et Zour souhaitaient de la dépasser. Tous les Oulâmes le souhaitaient. Ils venaient du nord-occident. Ils marchaient depuis 15 ans vers l'orient et vers le sud. Au commencement, des cataclysmes les avaient chassés, puis voyant que la terre devenait toujours plus désirable et plus riche en proie, ils s'étaient accoutumés à ce vaste voyage. Et ils s'impatientaient devant la montagne. Aoun et Zour se reposèrent auprès des roseaux, sous les peupliers noirs. Et énormes et bénévoles, 3 mammouths passaient sur l'autre rive. On vit s'enfuir des saïgas. Un rhinocéros oscilla près d'un promontoire. Des énergies obscures agitaient le fils de Nao. Son âme, plus vagabonde que celle des cigognes, voulait vaincre l'étendue. Et quand il se redressa, il alla vers l'amont jusqu'à ce que parut l'ouverture farouche d'où sortait le fleuve. Des chauves-souris voletèrent dans l'ombre. Une ivresse vagabonde enchanta le jeune homme. Il dit à Zour, « Il y a d'autres terres derrière la montagne. » Zour répondit, « Le fleuve vient des terres du soleil. » Son œil dormant, qui ressemblait à l'œil des reptiles, se fixa sur les yeux étincelants d'Aoun. C'est Zour qui avait donné une forme au désir de l'Oulâmre. en proie à l'intelligence pleine de rêves des hommes sans épaules qui avaient fait déchoir la race, il savait que les rivières et les fleuves ont un commencement. L'ombre bleue devint l'ombre noire. Zour alluma une des branches qu'il avait apportées. Ils auraient pu circuler sans lumière, tellement ils connaissaient la contrée. Ils avancèrent longtemps, passèrent par des couloirs, franchirent des crevasses, et vers le soir ils dormirent après avoir rôti des écrevisses. Une secousse les éveilla qui semblait la secousse du sol même. On entendit rouler des pierres, puis le silence revint. À peine nés, leur inquiétude s'éteignit et ils se rendormirent. Mais quand ils se remirent en marche, ils trouvèrent la route entravée par des blocs inconnus. Alors des souvenirs montèrent dans Zour. « La terre a tremblé, » affirma-t-il. Aoun ne comprit pas et ne chercha point à comprendre. Sa pensée était vive, hardie et courte. Elle s'attachait aux difficultés immédiates ou au mouvement des créatures vivantes. Une impatience croissait en lui qui précipitait sa course, si bien qu'avant la fin du second jour, ils atteignirent la muraille où s'arrêtait la terre souterraine. Pour mieux voir, Zour alluma une nouvelle torche de térébinthe. La lueur, s'élevant le long du gneiss, mêlait la vie de la flamme à la vie mystérieuse des minéraux. Les compagnons clamèrent. Une large fissure s'était faite dans la muraille. « C'est la terre !» fit Zour. Aoun s'avançait et se penchait dans l'ouverture. Elle était plus large qu'un homme. Quoiqu'il connût les pièges de la pierre fraîchement fendue, son impatience l'emporta vers la crevasse. La marche était pénible. Il fallait continuellement ramper ou franchir des blocs. Zour suivit le fils de l'Urus. Il y avait en lui une tendresse obscure qui lui faisait partager les périls de l'autre et qui transformait sa prudence en audace. Le passage devint si étroit qu'il durent passer de biais. Un air pesant semblait jaillir du roc. Puis une saillie aiguë rendit la passe plus étroite encore, et comme il ne pouvait pas se baisser, l'aventure parut sans issue. Tirant sa hache de néphrite, Aoun frappa avec colère comme il aurait frappé un ennemi. La saillie oscilla. Les deux guerriers comprirent qu'on pouvait la détacher du roc. Zour fixa sa torche dans une fissure et unit son effort à celui d'Aoun. La saillie oscilla davantage. Ils poussèrent de toute leur énergie. Le gneiss craqua, des pierres roulèrent. On entendit un choc sourd, le passage était libre. Il s'élargit. Ils purent marcher sans peine. L'air devint plus pur et ils se trouvèrent dans une caverne. Exalté, Aoun se mit à courir jusqu'à ce qu'il fût arrêté par les ténèbres, car Zour demeurait en arrière avec la torche. Mais l'arrêt fut court. L'impatience de l'Oulamre gagnait l'homme sans épaules et ils avancèrent à grands pas. Bientôt une lueur d'aube filtra qui devenait plus claire à mesure. L'ouverture de la caverne montra un défilé creusé entre deux murailles de granit. Très haut, on apercevait une bande de ciel qui avait la couleur du saphir. « Aoun et Zour ont franchi la montagne !» cria joyeusement le fils de l'Urus. Il redressait sa grande stature. Un orgueil obscur et profond vibrait dans sa chair. Ses instincts nomades le transportaient d'une ardeur incoercible. Plus secrète et plus rêveuse, l'émotion de Zour se subordonnait à celle de son compagnon. Cependant, ce défilé étroit, perdu au fond de la montagne, ressemblait encore trop au pays des cavernes. Aoun voulait revoir la terre libre et ne prit guère de repos. Le défilé parut interminable. Quand ils en atteignirent l'extrémité, la mort du jour était proche, mais leur rêve était accompli. Devant eux s'étendait un long pâturage qui semblait entrer dans le firmament. À droite et à gauche se dressait la montagne, monde formidable de la pierre, du silence et des tempêtes, qui semble immuable et que la goutte d'eau creuse, emporte et dissout inlassablement. Aoun et Zour entendaient le battement de leur poitrine. Une vie sans borne était là, d'où ruisselait toute la fécondité de la terre. Le sort des hommes tenait au flanc noir des basaltes, aux pics de granit, aux coulées de porphyre, aux gorges où hurlait le torrent et aux vallées douces où la source chantait d'une voix tendre. Il tenait aux armées du sapin et aux légions du hêtre, aux pacages apparus dans les crénelures, aux glaciers perdus parmi les cimes, aux moraines désertiques. Dans un site de tourelles, de pics et de coupoles, le soleil allait mourir. Des mouflons apparaissaient mystérieusement au bord d'un abîme. Un vieil ours, sur un roc de gneiss, épiait la solitude tandis qu'un aigle chauve planait lentement sous un nuage bordé d'ambre. Une terre neuve appelait l'âme aventureuse d'Aoun et l'esprit songeur du dernier homme sans épaule. Le Machérodus. Aoun et Zour marchèrent pendant 14 journées. Une force profonde leur défendait de revenir vers la Horde avant d'avoir découvert des savanes et des forêts où les Oulamres trouveraient à foison la chair et les plantes dont se nourrit la bête verticale. On ne peut pas vivre dans la montagne. Elle chasse l'homme à la fin de l'été. La terre y reverdit longtemps après que la plaine est déjà couverte d'herbes fraîches ou de feuilles nouvelles. Plus d'une fois, le soir vint, sans qu'ils eussent abattu une proie ou découvert assez de racines pour éteindre leur faim. Ils allaient vers l'Orient et vers le Midi. Le 9e jour, les hêtres devinrent plus nombreux que les sapins, puis les chênes et les châtaigniers se multiplièrent. Aoun et Zour surent qu'ils approchaient de la plaine. Les bêtes rôdaient plus nombreuses. Chaque soir, la chair et les racines rôtissaient au-dessus du feu, et les nomades dormaient sous des étoiles moins froides. Le 14e jour, ils arrivèrent à l'extrémité de la montagne. La plaine s'étalait, interminable, aux abords d'un fleuve géant. Debout sur la déclivité d'un promontoire basaltique qui s'enfonçait dans la savane, les compagnons regardaient la terre nouvelle où jamais n'avait marché la race des Oulamres ni des Oies. À leurs pieds poussaient des arbres inconnus, banyans dont chacun formait un boqueteau, palmiers aux feuilles semblables à des plumes immenses, chênes verts rampant au long des collines, bambous élevant leur herbe colossale. Des fleurs sans nombre semaient dans l'étendue la joie obscure, l'amour fécond et la volupté patiente du végétal sur qui toute vie repose. Aoun et Zour épiaient préférablement les bêtes. Elles jaillissaient et disparaissaient selon les inflexions du site, la hauteur des herbes, des roseaux, des fougères arborescentes, la disposition des collines, des arbres et des bambous. On voyait fuir la troupe des antilopes, s'avancer les chevaux ou les onagres, pâturer les zébus. Des cerfs et des gaures surgissaient au détour du fleuve. Une horde de dôles cernait un saïga. Des crotales rampaient sournoisement parmi les gramènes. Trois chameaux profilaient leurs torses bossus sur une éminence. Des paons, des faisans, des perruches se décelaient à la lisière des palmeraies, cependant que les singes se cachaient dans les ramures, que les hippopotames plongeaient dans le fleuve ou que les crocodiles flottaient comme des troncs d'arbres. Jamais la chair ne manquerait le soir au feu des Oulamres. La promesse d'une vie abondante faisait palpiter les nomades et à mesure qu'ils descendaient le promontoire, l'atmosphère devint si chaude que la pierre brûlait sous leurs pieds. Tandis qu'ils croyaient n'avoir à franchir qu'une courte étendue pour atteindre la plaine, la roche à pic les arrêta. L'Oulamre poussait un cri de colère, mais le bois dit « Cette terre est pleine de pièges. Aoun et Zour n'ont pas assez de sagaies. Ici, aucune bête dévoreuse d'hommes ne peut nous atteindre. » La silhouette d'un lion apparut au loin, dans l'échancrure d'une colline. Aoun répondit « Zour a dit ce qu'il fallait dire. Nous taillerons des sagaies, des massues et des branches à lancer. » pour abattre la proie et vaincre les mangeurs d'hommes. Les ombres étaient longues sur le promontoire. La lumière eut la couleur du miel. Aoun et Zour se dirigèrent vers un jeune chêne pour en tirer leurs armes. Ils savaient construire des épieux et des massues, travailler dans la corne, aiguiser la pierre et durcir le bois à la flamme. Depuis la sortie des cavernes, leurs haches s'étaient émoussées. Ils n'avaient guère renouvelé leur outillage. Une prescience confuse les portait à s'armer puissamment avant d'entrer dans cette terre formidable. Ils abattirent des branches jusqu'à ce que le soleil s'étendît au fond du paysage comme un vaste feu rouge. Puis ils rassemblèrent les cornes, les os et les pierres qu'ils ramenaient de la montagne. « La nuit va venir, » fit Aoun. « Nous travaillerons au retour de la lumière. » Cependant, ils avaient accumulé du bois sec où Zour s'apprêtait à lancer le feu, par l'aide d'une pierre de marcassite et d'un silex, tandis que son compagnon enfonçait une branche aiguë dans un quartier des Gagres. Une clameur les redressa qui retentissait comme un rugissement et haletait ainsi que le rire de l'hyène. Et ils virent, à 500 coudées du promontoire, une bête inconnue. Elle avait la taille du léopard, un pelage rouge ocellé de noir, des yeux larges et plus étincelants que ceux du tigre. 4 dents très longues et très tranchantes se croisaient hors de ses mâchoires. Toute sa structure annonçait la vitesse. Aounezour concevait qu'elle était de la race des carnivores, mais elle ne rappelait aucun des fauves qu'on trouve à l'autre versant des montagnes. Elle leur parut peu redoutable. Avec le harpon, la massue ou la sagaie, Aoun triomphait des bêtes de sa taille. Il était aussi fort et aussi véloce que Nao, vainqueur des velus, de l'ours gris et du tigre. Et il cria « Aoun ne craint pas la bête rouge !» Un nouveau rugissement, plus strident et plus saccadé, étonna les guerriers. « Sa voix est plus grande que son corps, » remarqua Zour. « Ses dents sont plus tranchantes que celles de tous les mangeurs de chair. » Aoun la battrait d'un coup de massue. La bête fit un bond de 20 coudées. En se penchant, Aoun aperçut une autre bête, géante, qui trottait au bas du promontoire. Elle avait la peau nue, les pattes semblables à de jeunes saules, une gueule énorme et stupide. C'était un hippopotame mâle dans sa force. Il s'efforçait de regagner le fleuve. Mais le Machairodus, à chaque détour, lui barrait la route et l'hippopotame s'arrêtait, les mâchoires béantes, avec un grondement. « La bête est trop petite pour abattre l'hippopotame, » fit Aoun. « L'hippopotame ne craint pas le lion. » Zour regardait sans rien dire. Une curiosité ardente soulevait la poitrine des compagnons, toute la passion de guerre qui veille dans les hommes. Brusquement, le Machairodus prit son élan. Il retomba sur la nuque de l'hippopotame et s'y accrocha de ses griffes aiguës. Le pachyderme, avec des cris immenses, galopa vers le fleuve, mais les dents tranchantes traversaient le cuir dur et trouvaient la chair épaisse. Une plaie grandissait dans le cou colossal. Le Machairodus buvait le flot rouge avec des halètements de joie et de triomphe. D'abord, l'hippopotame accéléra sa course. Il ne meuglait plus. Son énergie était condensée dans la volonté de regagner le fleuve. Là, plongeant dans les pâturages natals, il réparerait sa blessure. Il connaîtrait encore la douceur de vivre. Ses pattes massives battaient la savane et malgré l'oscillation du corps lourd, il avançait aussi vite qu'un sanglier ou un onagre. Le fleuve fut proche. Son odeur humide surexcitait le géant. Mais les dents farouches creusèrent encore. Une plaie nouvelle s'élargit. L'hippopotame commença de chanceler. On voyait trembler les jambes courtes. Un râle s'échappait de la gueule monstrueuse. Les dents du Machairodus fouillaient sans relâche. Au moment où il allait atteindre les roseaux, le vaincu tourna lentement sur lui-même, frappé de vertige. Un souffle rauque, et la masse immense s'écroula. Alors le Machairodus, se dressant sur ses pattes flexibles, poussa un rugissement qui faisait fuir au loin les buffles et se mit à dévorer sa proie vivante. Aounezour gardait le silence. Il sentait l'approche de la nuit carnivore. Un saisissement s'abattit sur leurs vertèbres. Il devinait obscurément que la terre nouvelle était une terre des autres âges, plus ancienne que la terre où rôdaient les oulambres. Une terre où vivaient encore les bêtes qui avaient vécu avec les premiers hommes. L'ombre profonde du passé descendait avec les lueurs crépusculaires et le fleuve chelléen roulait tout rouge à travers la savane. Le feu dans la nuit. Il leur fallut 8 jours pour tailler les arbres. Des pointes de silex ou des dents aiguës terminaient les sagaies. Ils avaient chacun un harpon dont l'extrémité était en corne. 2 propulseurs devaient lancer les traits à distance. Enfin, le chêne avait fourni des massues, dont la plus lourde, maniée par Aoun, était redoutable pour les plus grands fauves. Ils descendirent de la pointe du promontoire dans la plaine, en s'aidant de lanières coupées dans le cuir d'un cerf. Quand ils furent sur la savane, la horde des oulames ressembla perdue dans une profondeur insondable.

se rapprocher des antagonistes. Le colosse vaincu pouvait donner à tous la nourriture d'un jour. Plus qu'aucun autre fauve, le Machairodus pourvoyait ses hordes de parasites qui escortent les grands carnivores. Encore un élan. La corne farouche fonce vers l'ennemi. La gueule bat vers Hawk. Le désespoir palpite dans la masse impuissante. Puis c'est la fin. Le flot tarit. Les énergies se perdent dans le mystère des choses évanouies. La peur obscure de la mort s'efface dans la mort même. Le rhinocéros s'effondre comme un roc et le Machairodus, élargissant la plaie qui a eu raison du monstre, dévore la chair chaude, cependant que les chacals lèchent le sang répandu sur la terre et que les dôles, les hyènes, les loups attendent humblement que la bête rouge soit repue. Les hommes et la bête rouge. Après la victoire du Machairodus, Aoun et Zour remirent des branches sur le feu. Puis Aoun se coucha sous la garde de son compagnon. Le péril s'était éloigné. Ce cercle de gueules qui menaçait les hommes se pressait maintenant autour du rhinocéros. Zour put voir les étoiles, qui naguère touchaient la cime des ébéniers, descendre vers le fleuve. Plus craintif qu'Aoun, il se sentait étrangement enveloppé par l'inconnu de cette terre nouvelle, où le fauve, dont la taille dépassait à peine celle du léopard, détruisait les grands pachydermes. Longtemps le vainqueur dévora. Par caprice, par goût, ou par suite d'une habitude héréditaire, il déchirait le cuir en tous sens, ne s'attardant guère à la même place. Les bêtes les plus faibles, chacals et chats vivérins, se glissaient sur les ouvertures abandonnées sans que le Machairodus y prît garde. Mais ils grondaient lorsque les dôles, les loups et surtout les hyènes resserraient trop leur cercle. La lune, à son dernier quartier, montait à l'opposite du fleuve lorsque le félin descendit de sa proie. Alors, frénétique, loups, dôles et hyènes se précipitèrent. On eût dit qu'ils allaient s'exterminer. Les crocs parurent à quelques pouces les uns des autres. Une hurlée immense s'éleva sous les astres. Mais une trêve se faisait au sein même du tumulte. Les loups se trouvèrent aux épaules et à la poitrine. Les hyènes achevaient d'ouvrir le ventre. Les dôles s'acharnaient au dos et à l'arrière. Connaissant leur sort, chacal et chat vivérin s'évadèrent. Un instant, la tête du Machairodus resta tournée vers ce grouillement de gueule. Le sang s'égouttait à la lèvre qu'il léchait avec indifférence. La lassitude de la dévoration apesantissait ses mâchoires. Ses paupières s'entrefermaient. Dans un sursaut, il se réveilla. Il fit quelques pas vers le feu et vers cette bête verticale qui agaçait son instinct. Puis, plein de la confiance d'une force invaincue, il s'allongea sur la savane et s'endormit. Zour l'épiait avec défiance. Il se demandait s'il ne fallait pas profiter de ce sommeil pour fuir, mais songeant que sans doute la bête dormirait longtemps, il n'éveilla pas Aoun. La lune, rapetissée à mesure qu'elle montait au-dessus des collines, faisait blêmir les étoiles. La masse du rhinocéros diminuait sous le grouillement des gueules. L'aube était proche lorsque le fils des hommes sans épaules toucha la poitrine d'Aoun. « Il n'y a plus de bois, » dit-il, tandis que le compagnon dressait son torse. « La flamme est basse. La bête rouge s'est endormie. Aoun et Zour doivent partir. » Le grand Oulâmre considéra le site. Il aperçut le Machairodus immobile à 200 coudées du campement. Une haine subite l'envahit. Il revit la bête rugissant devant la flamme. Il revit les dents plongeant dans le cuir du colossal herbivore. Toute la race des hommes et de ceux qui la font vivre était menacée par cette forme inconnue. « Aoun ne pourrait-il tuer la bête pendant qu'elle dort ? » demanda-t-il. « Elle s'éveillerait, » répondit l'autre. « Il vaut mieux passer au-delà du roc. » Le fils de l'Urus hésitait. La force qui le portait à combattre venait du fond de l'espèce. Ni Faoum ni Nao n'auraient supporté qu'un fauve de cette taille les eût guettés pour faire d'eux sa proie. Nao a abattu la tigresse et l'ours gris, fit sombrement l'Oulâmre. La tigresse et l'ours gris auraient fui devant le rhinocéros. Cette réponse apaisa le guerrier. Il assujettit le harpon, le propulseur, les sagets, et prit à la main sa massue. Après un dernier regard à la bête rouge, ils franchirent l'arête et descendirent du roc. Ils étaient mornes, ayant mal dormi, et songeaient à la horde perdue au-delà des montagnes. Le jour allait poindre, Le levant était pâle, les voix carnivores se taisaient au bord du fleuve, les feuilles et les herbes semblaient plus immobiles. Un rouquement mordit le silence. Aoun et Zour, se tournant, virent le Machérodus. Quelques circonstances ou simplement le départ des hommes l'avaient éveillé. L'instinct le conduisait à la suite de ces créatures qui avaient surpris sa mentalité confuse. Aoun devait combattre la bête rouge pendant son sommeil, fit Loulamre en dégageant son harpon. Un regret aigu lui pesait sur la poitrine. Le Oua, tête basse, concevait que sa prudence avait été néfaste et regardait Aoun avec humilité. Mais Aoun n'avait pas de rancune. Sa grande poitrine s'enflait à l'agitation de la lutte et Zour était comme un élément de sa personne. D'abord, ils se tinrent épaule contre épaule, unifiant leurs énergies. Aoun poussa son cri de guerre. « Le fils de l'Urus et Zour perceront la bête rouge et lui écraseront les os. » Le Machérodus ne se hâtait point. Quand les bêtes verticales s'arrêtèrent, il s'arrêta à son tour. Il les regarda détacher les propulseurs avec les sagets et allonger étrangement leurs membres. Ainsi que naguère, les cris articulés l'étonnaient. Il se mit à suivre une route transverse qui ne le rapprochait guère. « La bête rouge a peur des hommes !» hurla Aoun, et il brandit ensemble le harpon et la massue. Un long rugissement lui répondit. Le Machérodus fit deux bonds colossaux. Avant qu'il eût repris son élan pour la troisième fois, les propulseurs d'Aoun et de Zour tournoyèrent. Atteint d'une sagaie au torse et dans la nuque, le fauve se rua frénétiquement sur les hommes. Le fils de l'Urus lança un harpon qui s'enfonça dans les côtes. L'arme de Zour écorcha le crâne dur. La bête était sur eux. D'une détente, elle terrassa Zour et lui enfonça ses crocs dans la poitrine. Aoun attaquait avec la massue. Le noyau de chêne frappa horizontalement et rencontra le vide. Le Machérodus s'était reculé. Loulamre et la bête se trouvèrent face à face. Il évita une première attaque par un saut oblique. Il repoussa la deuxième d'un tournoiement qui glissa contre l'épaule du fauve. Une masse foudroyante le renversa et culbuta elle-même, emportée par l'élan. L'homme se retrouva sur un genou au moment où le Machérodus revenait à la charge. Tandis que Zour, défaillant, lançait sa hache, Aoun abattit la massue des deux mains. Elle retentit sur la tête opaque. Le félin se mit à tourbillonner, comme s'il était devenu aveugle. Un deuxième coup lui paralysa la nuque. Puis Aoun fracassa les côtes, rompit les pattes, écrasa les mâchoires. Il fallut deux coups de sagaie pour achever l'agonie, et Zour, d'une voix rauque et faible, soupirait. Aoun a tué la bête rouge. Aoun est plus fort que Fao. Aoun est aussi fort que Nao, qui a conquis le feu chez les dévoreurs d'hommes. Loulamre s'enivrait des paroles de son compagnon. L'orgueil dilatait ses narines. Cette tristesse qui appesantissait ses os lorsqu'il fuyait dans la nuit s'était dispersée. Son être triomphant s'exaltait à l'aventure, et tourné vers les pourpres de l'aurore, il aima passionnément la terre inconnue. Zour balbutia encore. Le fils de l'Urus sera un chef parmi les hommes. Puis il poussa une plainte. Sa face prit la couleur de l'argile et il s'évanouit. Alors Aoun, voyant que le sang ruisselait sur la poitrine du blessé, se troubla comme s'il avait vu ruisseler son propre sang et le visage immobile le terrorisa. Une affection terrible et douce palpitait dans sa chair. Les temps qu'ils avaient vécus ensemble s'élevaient en images chaotiques. Il revoyait les sylves, les landes, les brousses, les marécages et les rivières où ils mêlaient leurs énergies, où chacun était pour l'autre une arme vivante. Cependant, Aoun, assemblant des feuilles et des herbes qu'il écrasait sur la pierre, les pressa contre les plaies de son compagnon et les paupières de Zour se relevèrent. Il s'étonna d'abord d'être couché là. Il regarda autour de lui pour voir le feu, puis il se souvint et il répéta les paroles qui avaient précédé l'évanouissement. « Aoun sera un chef parmi les hommes. » Et sentant sa faiblesse, il gémit. « La bête rouge a percé la poitrine de Zour. » Aoun continuait à panser ses blessures, tandis qu'un soleil immense montait derrière le fleuve. Les fauves nocturnes avaient disparu. Des semnopithèques s'agitaient dans les ramures. Les corbeaux à tête blanche ramaient au-dessus de la carcasse du rhinocéros. Deux vautours planèrent dans la brise et les herbivores se levaient dans leur force. L'heure du péril était passée pour le Oua et pour l'Oulambre. Les grands destructeurs dormaient dans leurs repères ou dans la jungle. Mais le jour aussi est un ennemi, quand la lumière est rude et que la chaleur rôtit la terre. Il fallait transporter Zour à l'ombre. Comme tous les Oulambres, Aoun avait l'instinct de la caverne. Il scruta l'étendue dans l'espérance de découvrir des rocs, mais il ne vit que la steppe, la brousse, quelques palmeraies, des massifs de banyans, des îlots d'ébéniers ou de bambous. Alors, ayant fixé les feuilles et les herbes sur la poitrine de son compagnon, il le chargea sur son dos et se mit en route. La marche était rude, parce qu'il fallait aussi emporter les armes, mais Aoun avait hérité de la force de Faoum, de Nao et des Velus. Il marcha longtemps, s'opiniâtrant contre la lassitude. Souvent, il déposait Zour à l'ombre et, sans le perdre de vue, montait sur un tertre ou sur un bloc pour examiner l'étendue. Le matin s'écoulait. La chaleur devint intolérable et aucune ligne rocheuse ne s'était décelée encore. Zour a soif, fit l'homme sans épaule que la soif faisait grelotter. Le fils de l'Urus se dirigea vers le fleuve. À cette heure ardente, on n'apercevait que quelques gaviales allongeant son corps écailleux sur une île, ou quelques hippopotames un instant apparus à la surface des flots jaunes. Le fleuve roulait jusqu'au fond de l'espace, ses eaux fécondes d'où naissent les forêts millénaires, les herbes infatigables et les bêtes sans nombre. Père de la vie, il en avait le mouvement inlassable, il précipitait des hordes de vagues, de rapides et de cataractes. Aoun puisa de l'eau dans le creux de ses mains et abreuva le blessé. Il demanda avec inquiétude. « Zour souffre-t-il ?»« Zour est très faible. Zour voudrait dormir. » La main musculeuse d'Aoun se posa doucement sur la tête du compagnon. Aoun construira un abri. Dans la forêt, les Oulambres savaient se protéger par un entrelacement de branches. Aoun se mit à la recherche de lianes qu'il détachait avec sa hache, puis ayant choisi trois palmiers qui croissaient sur un monticule, il y tailla des encoches et enroula d'un tronc à l'autre les tiges flexibles. Cela formait un enclos triangulaire dont les parois à claire-voie offraient une résistance souple mais solide. Le fils de l'Urus y travailla rudement et les ombres étaient déjà longues sur le fleuve lorsqu'il se reposa. Il fallait encore recouvrir l'abri avec des lianes assez grosses pour supporter le poids d'un fauve jusqu'à ce qu'on lui eût crevé le ventre ou percé le cœur avec la pointe d'une sagaie. La fièvre de Zour persistait. Des lueurs vertes traversaient ses prunelles. Il s'assoupissait par intervalles et se réveillait d'un sursaut en prononçant des paroles incohérentes. Pourtant, attentif au travail d'Aoun, il lui donnait des conseils, car les hommes sans épaules furent des constructeurs plus ingénieux que les Oulambres et que tous les autres hommes. Avant de reprendre le travail, Aoun mangea de la chair rôtie la veille. Ensuite, il assujettit des lianes épaisses qui firent un toit au refuge et il détacha de grosses branches qui devaient clore l'ouverture d'entrée et de sortie. Le soleil se rapprochait de la cime des plus hauts ébéniers lorsque les hommes se réfugièrent dans leur hutte. Elle dominait le site. À travers la claire-voie, on apercevait distinctement le fleuve distant de 300 coudées. C'était une heure de vie. Les monstrueux hippopotames remontaient de leurs prairies sous-marines et se hissaient sur les îles. Un long troupeau de gores s'abreuvait à l'autre rive. On voyait filer entre deux eaux le plataniste au museau pointu. Un crocodile à deux crêtes venait de surgir des roseaux et refermait ses mâchoires sur le col gracile d'une chicara. Des résus agitaient éperdument parmi les ramures leurs torses humains, tandis que des faisans d'émeraude, de saphir et d'or s'abattaient auprès des roseaux ou qu'un vol neigeux d'aigrettes palpitait sur les îlots fleuris. Parfois, saisie de panique, une horde de nigauds ou d'axis fuyait devant un parti de dôles ou un couple de guépards. Puis des chevaux parurent, aux yeux fous, vis inquiètes et tumultueuses dont la prudence tendait tous les muscles. Ils avançaient avec des cabrements subits qui faisaient osciller toute la troupe. Ils dressaient des oreilles nerveuses où chaque bruit répandait la terreur. Une file de gaïales longeait gravement un foresticule de bambous. Soudain, un frémissement immense et des bonds convulsifs. Cinq lions descendaient vers le fleuve. Ce fut la solitude. Les fauves au grand poitrail faisaient refluer les herbivores au fond de l'étendue. Seul le crocodile, ayant arraché la tête de sa proie, n'avait pas fui. On eût pu dire s'il flairait le danger. Son corps aux rudes écailles, long de 12 coudées, aussi épais qu'un platane, ses yeux vitreux et sa tête stupide en faisaient un mélange formidable de bête et de minéral. Pourtant, un instinct confus porta sa longue gueule vers les survenants. Il hésita, puis saisissant à pleines dents le corps de sa proie, il plongea parmi les lotus. Deux des lions portaient la crinière. C'étaient des mâles trapus, dont les têtes s'élevaient comme des blocs de schiste, et qui, pesants au repos, se détendaient pendant la chasse en bonds de 20 coudées. Plus basses sur pattes, plus flexibles et plus allongées, les lionnes apparaissaient sournoises. Tous avaient de larges yeux jaunes qui regardaient en face comme les yeux des hommes. Ils considéraient au loin la fuite des troupeaux magnifiques. Une même déception soulevait leur poitrine. Ils s'arrêtèrent pour rauquer et pour rugir. La voix immense des mâles couvrait la face du fleuve et faisait tressaillir jusqu'aux platanistes. La panique se répandait à travers les palmeraies, les roseaux, les banians, au détour des havres, des promontoires, jusqu'au confluent du fleuve et de la rivière. Les singes ricanaient frénétiquement entre les rameaux. Quand ils eurent exhalé leur colère, les carnivores reprirent leur route. Les mâles aspiraient la brise faible, les lionnes, plus fiévreuses, penchaient leurs mufles vers le sol. L'une d'elles flaira les hommes. Elle s'approcha en rampant de la hutte, à demi dissimulée par les hauts gramènes. Les deux autres femelles suivirent, tandis que les lions s'attardaient. Aoun regardait venir les fauves. Chacun avait 5 fois la force d'un homme. Leurs griffes étaient plus aiguës que des sagaies. Leurs crocs plus efficaces que des harpons. Il connut sa faiblesse et l'horreur d'être seul. Il regretta d'avoir quitté les plaines où ses semblables avaient la puissance du nombre. Zour avait levé la tête. Dans sa poitrine blessée, l'épouvante se mêlait à la douleur et à la tristesse de ne pouvoir combattre. La première lionne fut proche. Elle voyait mal les bêtes singulières abritées par les lianes. Elle tournait cauteleusement autour de l'enceinte. Parce qu'elle était si proche, le fils de l'Urus n'avait plus de crainte. Le sang des guerriers qui savent mourir sous la griffe sans cesser de combattre palpitait en tumulte dans ses artères. Ses prunelles phosphoraient autant que celles des lionnes et brandissant une hache, il clama son défi d'homme à la poitrine profonde. « Aoun répandra les entrailles des lions !» Mesour lui dit « Que le fils de l'Urus soit prudent. Quand leur sang coule, les lions ne craignent plus la mort. Il faut frapper sur les narines en poussant le cri de guerre. » Aoun reconnut la sagesse des oies, plus grande que celle même de Goun aux eaux secs. La ruse amortit le feu de ses prunelles. Immobile maintenant, la lionne cherchait à voir distinctement l'être qui produisait cette voix menaçante. Un des lions rugit, puis l'autre. Aoun répondit formidablement. Tous les fauves furent devant le nid de lianes. Ils connaissaient la double force de leurs membres et de leur nombre, et cependant, ils retardaient l'attaque parce que la proie les défiait et demeurait voilée. Ce fut une lionne, la plus jeune, qui tenta de forcer l'obstacle. Elle vint tout près, flaira et donna un coup de griffe. La liane céda mais ne se brisa point, tandis que le bout d'un harpon frappait rudement la bête aux narines. Elle bondit en arrière avec un miaulement de rage et de douleur. Ses compagnons la considéraient avec une surprise anxieuse. Il y eut une pause. Les 5 lions, immobiles, semblaient ne plus songer aux hommes. Puis un des mâles feula, s'enleva dans un saut effroyable, et la masse rousse retomba sur le toit de liane qui s'abaissa. Aoun s'était penché. Il attendit que le mufle fût accessible, puis à 3 reprises il atteignit les narines. Folle de douleur et comme aveugle, la bête roulait au hasard. Elle finit par retomber sur la steppe et s'éloigna en rampant. Le fils de l'Urus menaçait. « Si un lion bondit encore sur la tête des hommes, Aoun lui crèvera les yeux. » Mais les lions demeuraient pensifs. Ceux qui n'avaient pas attaqué reculaient comme les autres. Les bêtes cachées apparaissaient plus énigmatiques et tout à fait redoutables. Ni par la manière de combattre, ni par la voix, elle ne rappelait les proies que les lions attendent à l'embuscade ou assaillent à l'abreuvoir. Les coups mêmes qu'elles portaient étaient inconnus et étrangement intolérables. Les lions craignirent d'approcher de la hutte. mais une rancune tenace les tenait à l'affût. Tapis dans les hautes herbes ou sous les arches d'un banyan, ils attendaient avec leur patience nonchalante et terrible. Parfois l'un ou l'autre allait boire au fleuve, et déjà des herbivores reparaissaient à grande distance. Les oiseaux pullulaient. On voyait les ibis profiler au creux des havres leurs corps pâles et leurs têtes noires, les marabouts danser ridiculement sur les îles, le cormoran plongé d'un geste soudain, une flottille de sarcelles passée furtive, un essaim de grues voler à grand tapage au-dessus d'une bande de corbeaux à tête blanche, tandis que les perroquets cachés dans les palmes poussaient des clameurs déchirantes. Lentement, une rumeur croissait à l'occident. Un des lions tendit la tête pour l'écouter, puis une lionne se dressa, vibrante. Tous grondaient. La foudre des mâles déchira l'étendue. À son tour, Aoun écouta. Il crut entendre la marche d'un troupeau, mais son attention se reportait toujours sur les carnivores. Leur agitation croissait. Ils s'assemblèrent auprès de la hutte et s'élancèrent tous ensemble pour l'attaquer. La voix d'Aoun les arrêta. Ceux qui avaient été frappés à la narine reculèrent. Un retentissement s'élevait de la terre profonde. Alors, le fils de l'Urus sut qu'un troupeau immense avançait vers le fleuve. Il songea aux aurochs qui paissaient les plaines au-delà des montagnes, puis aux mammouths avec qui Nao fit alliance dans le pays des dévoreurs d'hommes. Des baris stridèrent. « Ce sont les mammouths, » affirma Aoun. À travers la fièvre qui le faisait grelotter, Zour tendait l'oreille. « Oui, ce sont les mammouths, » répéta-t-il, mais avec moins d'assurance. Les lions s'étaient dressés. Un moment, leurs têtes massives se tendirent vers l'occident, puis à pas lents, ils descendirent vers l'aval. Leurs corps fauves se perdirent dans les broussailles. Aoun ne redoutait pas les mammouths. Ils n'écrasent ni les hommes, ni les herbivores, ni même les loups ou les léopards. Il faut se tenir immobile sur leur passage et garder le silence. Mais dans ce refuge de lianes, ne s'irriterait-ils pas contre les hommes cachés? D'un choc, un seul des colosses romprait l'enceinte. D'un geste, il anéantirait le fils de l'Urus. « Aoun et Zour doivent-ils quitter la caverne de lianes ?» demanda Loulamre. « Oui, » répondit l'homme sans épaule. Alors Aoun détacha les lianes aménagées pour la sortie, rampa sur la plaine et aida Zour à le suivre. Des arbres craquèrent. On commençait à apercevoir des formes massives et couleurs d'argile. Les trompes se profilèrent au bout de tête pareilles à des rocs. Le troupeau formait trois groupes que précédaient six mâles colossaux. Ils écrasaient la terre, broyaient les canas, perçaient les rideaux de banyan. Leur peau était semblable à l'écorce des vieux cèdres, leurs pattes grosses comme le corps d'Aoun, leurs torses comparables aux torses de dix aurochs. Loulam redit. Ils n'ont point de crinière, leurs défenses sont presque droites. Ils sont plus grands que les plus grands mammouths. « Ce ne sont pas des mammouths, » fit l'homme sans épaules. « Ce sont les pères des mammouths. » Car les hommes sans épaules, connaissant leur propre faiblesse, croyaient à la puissance supérieure des vies ancestrales. Bien plus que devant les lions, Aoun perçut sa petitesse. Il se sentait aussi désarmé qu'un ibis devant des crocodiles. L'orgueil qui était en lui s'effaça. Immobile, les épaules fléchies devant son compagnon blessé, il attendait. L'avant-garde fut proche. Les six conducteurs s'avançaient vers le refuge. Leurs yeux bruns ne cessaient d'épier Aoun, mais ils ne manifestaient aucune méfiance. Peut-être connaissaient-ils la bête verticale. Mort ou vie, la fin approchait. Si les chefs ne se détournaient point, il s'en fallait de 10 pas pour que les hommes soient broyés sur le sol comme des cloportes et que l'enceinte de liane s'effondrât. Aoun regardait fixement le plus puissant des mâles. Haut de 15 coudées, sa trompe eût étouffé un buffle aussi facilement qu'un python aurait étouffé un axis. Il s'arrêta devant les hommes. Parce qu'il donnait le rythme à l'avant-garde, les autres conducteurs l'imitèrent, et tout autour, l'armée des géants s'épanchait en une vaste courbe cahotante. Sa massue à ses pieds, la tête basse, Aoun accepta le sort. Enfin, le chef souffla et se dirigea vers la droite de l'enceinte. Tous suivirent. Chaque éléphant antique, parce que les précédents s'étaient écartés, s'écartait à son tour. Aucun, pas même les plus jeunes, ne toucha aux hommes ni au refuge. Longtemps le sol trembla. Les herbes formaient une bouillie verte. les roseaux et les lotus périssaient sous la plongée de l'avant-garde. Les hippopotames avaient fui. Un gavial, long de 20 coudées, était rejeté comme une grenouille, et l'on apercevait, sur un monticule, les 5 lions qui levaient vers le soleil rouge leurs mufles rugissants. Bientôt, tout le troupeau s'engagea dans le fleuve. Les flots refluaient. Les trompes aspiraient l'eau et la rejetaient en douche. Puis ces rochers mouvants s'engloutirent. Les crânes monstrueux et les rudes échines semblaient des blocs erratiques descendus des montagnes avec les glaciers, les torrents et les avalanches. « Nao a fait alliance avec les mammouths ?» murmura Aoun. « Le fils de l'Urus ne pourrait-il pas faire alliance avec les mammouths ancêtres ?» Le jour mourait. Les lions disparurent du monticule. Les gores pesants et les axis légers se hâtaient vers les abris nocturnes. Puis le soleil toucha les collines derrière l'autre rive du fleuve. Les carnivores s'éveillaient dans leurs repères. Aoun rentra dans la hutte de Liane et y entraîna l'homme sans épaule. 3 jours passèrent. Les lions n'avaient pas reparu et les éléphants ancêtres s'étaient perdus à l'aval du fleuve. Sous l'effrayant soleil et les vapeurs nocturnes, tant d'herbes et d'arbustes écrasés refaisaient leur chair verte. Une vie inépuisable, plus forte que toute la faim des herbivores, jaillissait de l'humus et s'épanchait sur l'eau des havres. La proie était si abondante qu'Aoun n'avait chaque jour qu'à lancer une sagaie ou à darder le harpon pour assurer la subsistance. Nao était en lui, qui lui défendait de tuer plus qu'il ne faut au ventre de l'homme. Longtemps les frissons et le délire du compagnon avaient assombri Aoun. Mais les plaies se cicatrisaient et la lueur verte quittait les prunelles du malade. Le 4e jour, ils furent joyeux. L'ombre des lianes et des palmiers versait une fraîcheur douce. Assis à l'entrée de l'abri, Loulamre et l'homme sans épaules goûtaient le repos immense et la volupté de l'abondance. La vie des bêtes les émouvait comme un signe qu'ils ne connaîtraient pas la famine et parce qu'il y a du plaisir à voir la force du monde. Des hérons pourpres s'abattaient sur les macres, 2 cigognes noires s'élevaient sur l'autre rive, un marabout sautillait d'étrange et incohérente manière et l'on voyait pendre les pattes d'un vol de grue à tête jaune, tandis que des sarcidiornis aux épais caroncules et des ibis carminés cherchaient aventure parmi les lotus. Émergé de la vase, un python déroula sur la rive un corps lisse, aussi gros que le corps d'un homme et 5 fois plus long. Les nomades considéraient avec dégoût cette bête équivoque, ignorée des oulamres. Quoiqu'elle puisse atteindre la vitesse d'un sanglier, elle allait lourdement, au hasard, encore engourdie et adaptée à la nuit plutôt qu'au jour. Aoun et Zour s'étaient réfugiés dans la hutte de Liane. Aucun souvenir ne leur permettait d'évaluer la force du reptile, ni si ses dents recélaient un poison comme celui des serpents rencontrés dans les terres occidentales. Ils pouvaient être aussi forts que les tigres, aussi venimeux que les vipères. Peu à peu, ils se rapprochaient de l'enceinte. Aoun, tenant prête sa massue et une sagaie, ne songeait pas à pousser son cri de guerre. Dans les grands fauves, il sentait une vie qui ressemblait à la sienne, mais ce long torse gluant et sans membres, cette tête trop petite, ses yeux immobiles, lui étaient plus étrangers que des larves ou des vers de terre. Quand le python fut près du refuge, il se dressa et ouvrit sa gueule aux mâchoires plates. « Faut-il frapper maintenant ?» demanda le fils de l'Urus. Zour hésita. Les hommes sans épaules tuaient les serpents de leur pays en écrasant les crânes. Mais qu'étaient les serpents de là-bas devant ce monstre immense? « Zour ne sait pas, dit-il. Il ne frapperait pas avant que la bête attaque la hutte. » La tête toucha les lianes et chercha à pénétrer par une ouverture. Aoun piqua la mâchoire de la pointe d'une sagaie. Le python rebondit avec un long sifflement, se tordit de vertigineuse manière et repartit vers le fleuve. Dans ce moment, un jeune saïga traversait la plaine. Soit qu'il l'eût aperçu, soit qu'il s'aidât à sa nature indolente, le reptile s'immobilisa. Le saïga dressa son chanfrein bossu. L'odeur des hommes l'inquiéta et l'éloigna du refuge. Alors seulement il aperçut le python. Saisi d'un tremblement, ses yeux fixés sur les yeux froids, il demeura paralysé. Ce fut bref. Déjà, il prenait du champ, mais ce long corps mou s'élançait avec la rapidité d'une panthère. Le Saïga se buta à une pierre, trébucha et fut culbuté par l'attaque du reptile. Il se releva avant d'être enveloppé et prit sa course au hasard. Elle le mena au bord d'une crique où la bête sinueuse lui barra le passage. Grelottant, le Saïga considéra l'étendue. La vie était là-bas, la vie des herbes, la vie à travers laquelle il projetait si joyeusement son corps agile. Deux bonds heureux, et il était sauvé. Il tenta de passer entre la rive et le serpent, puis désespéré, il franchit l'obstacle. Un coup énorme le frappa, la queue du python s'enroula autour du torse haletant, et l'herbivore, sentant venir la mort, poussa un chevrotement funèbre. Un instant encore, la créature gracieuse se débattit contre les longs muscles glacés, puis le râle succéda à la plainte, et penchant la tête, la gueule ouverte, la langue pendante, le vaincu exhala son souffle. Cette scène éveillait en Aoun des haines étranges. Un léopard, des loups, un machérodus eussent pu tuer le Saïga sans que l'oulâmre s'en émût. Mais la victoire de cette bête froide semblait atteindre les hommes eux-mêmes. Deux fois le guerrier se baissa pour sortir du refuge. Zour le retenait. Le fils de l'Urus a de la viande en abondance. Que deviendrons-nous s'il est blessé à son tour? Aoun avait cédé. Sa propre colère lui demeurait incompréhensible. Elle était en lui comme la chaleur d'une plaie. Et que savait-il de la force du grand serpent? Un coup de sa queue avait renversé le Saïga et renverserait sûrement un homme. Cependant, il demeura sombre et la hutte de liane lui devint insupportable. Aoun et Zour ne peuvent vivre ici, dit-il, lorsque le python eut emporté sa proie derrière les roseaux. Les oulâmres ont besoin d'une caverne. Zour se lèvera bientôt.